je ne vivrai pas sans toi. Ma meilleure habitude, ma douce servitude, dans un lit grand comme une vie, mon amour est mon ami. Pour une rose, j'ai eu sa rose, et nous parlons d'autre chose. Non, ça n'est pas l'amour qui fait les peut aimer, oui, sans amour. Si nous vivons ensemble, c'est que la vie nous ressemble. Tu es ma préférence, je t'aime en silence. Je suis bien et tu es bien. On ne se demande rien. Que la nuit, la vie dure toute la nuit. Non, ce n'est pas l'amour qui fait les histoires d'amour. Ce n'est pas ça toujours. On peut aimer, oui, sans amour. Même si tu ne m'aimais pas, je voudrais que